crois pas, moi je n'y comprends rien du tout. Mais ça n'a pas plus de sens pour moi qu'un casse-tête chinois. La philosophie peut-elle tout penser, tout comprendre? Y a-t-il des objets plus respectables que d'autres? Parce qu'il n'y a pas que le temps, le bonheur ou la justice, tous les vendredis, nous donnons la place à ceux qui semblent ne pas en mériter, à des objets inattendus. Et aujourd'hui, la météo. Quel temps bizarre aujourd'hui. J'ai dit une bêtise? Non, mais jusqu'à présent, personne n'a passé la porte sans nous faire la météo. Eh oui, c'est l'angoisse du temps qui passe qui nous fait tant parler du temps qui fait. Ben non, c'est justement pour éviter de dire des foutaises qu'on parle de la pluie et du beau temps. Vous savez, la météo n'a jamais su prédire le temps qui fera. Alors l'avenir, vous pensez? Sans vouloir être indiscrète, votre visage m'est familier. Évidemment, monsieur est vedette à la télévision. Ah bon? Dans quelle émission? Je fais la météo au journal. Enfin, sans vouloir me vanter, je fais la pluie et le beau temps à la télévision. Ouh, nous avons eu chaud. Les prévisions pour la semaine. Comme vous le voyez, il n'y a vraiment pas de quoi s'affoler. Vous sortirez vos doudounes et vous laisserez vos bobottes à la maison. Ici, c'est une chaleur humide. Ah. À Los Angeles, quand il fait 32, on a vraiment l'impression qu'il fait 32. Oui. Mais quand il fait 32 à New York, on dirait qu'il fait 100 000 degrés. Cette conversation sur la température est tout à fait passionnante, mais heureusement pour moi, on est arrivé. Bon, bonne chance. Pourquoi la météo est-elle encore un des programmes les plus suivis? Pourquoi s'entêter à actualiser nos applications météo, à regarder par la fenêtre pour voir l'état du ciel, à se désespérer de la pluie ou à se réjouir d'un rayon de soleil? Pourquoi passe-t-on notre temps à parler du temps? Simple occupation du temps ou tentative de saisir l'air du temps? Et si de nos banalités échangées au dérèglement climatique, contempler le ciel, transformer le temps qu'il fait en philosophie du temps qui passe? Bonsoir à tous. Il a fait vraiment très beau aujourd'hui. C'est agréable sur pratiquement l'ensemble de la France. Ça va changer à partir de demain. Notre perturbation, ça y est, arrive sur le pays. C'est la première donc pour vendredi. Et rapidement derrière, ce système dépressionnaire va vraiment entrer au cœur de la France. Regardons ce qui va se passer déjà demain matin avec les premières pluies qui arrivent sur le nord-ouest. Le vent qui se lève jusqu'à 60 km/h à l'intérieur des terres, 70 sur les caps exposés. Dans l'après-midi, ça va continuer de se décalé vers la Charente-Maritime, Pays de la Loire, en remontant vers Paris et du côté de Lille et les Ardennes, avec là aussi du vent assez soutenu, de bonnes pluies quand même au passage de la perturbation. Sur le sud et l'est, en revanche, le soleil va rester très généreux. Bonne nouvelle, bonjour Anouchka Vazak. Bonjour. Alors on vient d'entendre la météo qui a été diffusée hier soir, la météo d'aujourd'hui, donc demain en fait c'est aujourd'hui. Vous êtes maîtresse de conférences en littérature française, autrice de météorologie au pluriel avec un S, discours sur le ciel et le climat, des lumières au romantisme, c'est paru chez Honoré Champion. Vos travaux portent sur la météo aux frontières de la littérature, de l'histoire et de l'histoire de l'art. J'imagine qu'on doit vous faire à chaque fois le coup et vous parler du temps qu'il fait. Oui, alors c'est vrai que je suis passionnée par le temps qu'il fait et j'ai écouté Chloé Nabédian hier présenter... Ah bah voilà, vous connaissez le nom, les présentateurs et présentatrices. Oui, bien sûr. Et puis le jeu, c'est de vérifier si aujourd'hui c'est exact ou si elle s'est trompée. Ça fait partie du jeu. Après, on a un autre rapport à la météo que la grand-messe du 20h. Maintenant, c'est vrai, vous y avez fait allusion. On est beaucoup rivés sur nos téléphones, nos applications. On la regarde à tout instant. Enfin, peut-être ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est quand même largement partagé. Mais c'est quand même un grand paradoxe que j'ai remarqué, qui est quand même de pourquoi regarder le temps qu'il fait ou le temps qu'il va faire, alors qu'il suffit de regarder par la fenêtre, que de toute façon on va bien le vivre et s'en rendre compte. Quel est l'intérêt d'avoir en fait des discours, des commentaires, des prévisions de ce qui va forcément se produire? Alors, si vous regardez par la fenêtre, vous n'avez quand même que le temps au moment où vous le regardez et on a quand même envie d'anticiper un petit peu. Je crois que ça s'est accentué avec ce qu'on appelle maintenant notre éco-anxiété où, d'une façon générale, nous sommes tous un peu devenus météo-sensibles, comme le dit Martin de la Soudière, l'ethnologue Martin de la Soudière, et c'est peut-être pour ça que nous sommes maintenant de plus en plus passionnés par la météo et inquiets de... Il y a un pont, en fait, il y a un lien certainement entre notre curiosité, voire notre intérêt, et pourquoi pas notre inquiétude de la météo, et notre inquiétude du réchauffement climatique, de ce qu'on appelle aussi dérèglement climatique. Quelle définition vous pourriez nous donner de la météo? Est-ce que c'est simplement le temps qu'il fait ou c'est peut-être plus que ça, vu ce que vous venez de dire sur notre éco-anxiété et sur notre météo-sensibilité? Alors la météo au sens vraiment très... très simple, on la distingue du climat. C'est vrai qu'il faut justement pas mélanger les deux. Et là, c'est la géographe Martine Tabot qui m'a appris tout ça. La météo, c'est vraiment le temps qu'il fait au jour le jour, voire à la minute, Vous connaissez le site peut-être aussi AccuWeather qui... Non, alors à quoi ressemble alors ça ce, en fait, ce ça vous, ça peut vous prévoir le temps qu'il fait dans la minute, dans les 10 minutes, dans les 15 minutes qu'il va faire. Donc la météo, c'est ça, c'est le film du temps. Et le climat, c'est vraiment le temps donné, enfin le temps dans un espace géographique donné. Voilà, c'est le. Donc c'est sur une période plus longue et sur voilà, un espace plus ça. Large, plus c'est étendu. C'est un concept en fait. Le climat, c'est un concept. Alors que la météo, c'est du vécu. Alors ça, c'est très intéressant comme distinction parce que finalement, ça veut dire que il est difficile, si on tente de faire une philosophie, d'entreprendre, d'envisager la météo comme un objet philosophique, c'est qu'on va s'attendre, on va se casser les dents sur le fait que ce ne soit pas un concept, mais du vécu et une réalité. Tout à fait. Il y a un lien. Ça, on l'éprouve chacun, entre la météo et le concept ou la notion d'incertitude. D'ailleurs, si vous regardez le mot « incertain » dans le dictionnaire, vous voyez que un des exemples, c'est « le temps est incertain ». Donc, il y a si on doit définir conceptuellement la météo, est-ce que c'est possible? Est-ce que, ou alors il faut ne pas le faire et se dire ben non, la météo n'est pas un concept. Par contre, ça pose une question philosophique et c'est celle-ci, à savoir comment en fait la météo révèle la part d'incertitude en l'homme. Tout à fait, je dirais ça et je dirais qu'on peut considérer aussi la météo, la météorologie, qu'on appelle science des météores, hein, pour être un peu plus savant que la météo au sens de temps qu'il fait. On peut considérer la météo comme un modèle pour penser, il me semble. Moi, je pense souvent à la carte satellite qu'on nous diffuse à la télévision, où on voit les masses d'air se déplacer. Ces masses d'air qui se déplacent sans nécessairement engendrer un changement déterminant de temps. Il y a vraiment un mouvement. C'est sans arrêt en mouvement. Et on sait très bien que le temps qu'il fait, pour l'essentiel, c'est des éléments de la veille ou des moments précédents et des éléments nouveaux qui vont venir s'agréger. Ça change tout le temps et en même temps, il y a à la fois des rémanences du temps ancien et des annonces ou des, disons, quelque chose de nouveau à chaque fois aussi. Voilà. Dire le temps qu'il fait a d'abord été une communication pleine. L'information requise par la pratique du paysan pour qui la récolte dépend du temps. Mais dans la relation citadine, ce sujet est vide. Et ce vide est le sens même de l'interlocution. On parle du temps pour ne rien dire. C'est-à-dire pour dire à l'autre qu'on lui parle. Pour ne lui dire rien d'autre que ceci. Je vous parle, vous existez pour moi, je veux exister pour vous. Aussi est-ce une attitude faussement supérieure que de se moquer du temps qu'il fait. De plus, si vide que soit le sujet, le temps renvoie à une sorte d'existence complexe du monde où se mêlent le lieu, le décor, la lumière, la température, la synesthésie, et qui est ce mode fondamental selon lequel mon corps est là, qui se sent exister. Sans parler des connotations heureuses ou tristes du temps, suivant qu'il favorise notre projet du jour. C'est pourquoi ce temps qu'il faisait a une fonction multiple d'écriture. Il permet au discours de tenir sans rien dire, en disant rien. Il déçoit le sens, et monnayé en quelques notations adjacentes, il permet de référer à quelque être-là du monde, premier, naturel, incontestable, insignifiant. On comprend alors la complicité qui s'établit entre ces notations infimes et le genre même du journal intime. N'ayant pour dessein que de dire le rien de ma vie, le journal use de ce corps spécial dont le sujet n'est que le contact de mon corps et de son enveloppe et qu'on appelle le temps qu'il fait. France Culture, Les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. C'est difficile de faire mieux que Roland Barthes sur cette question du temps qu'il fait et ce que veut dire de parler du temps qu'il fait. Cet extrait est tiré de son texte Pierre Loti Asiadé, c'est dans ses nouveaux essais critiques, c'est paru en 1953. C'était interprété par Hélène Losseur. Alors effectivement, il y a quand même cette question qui revient souvent sur le temps qu'il fait. Ça n'est pas seulement le temps qu'il fait, mais vraiment tous les discours qu'on tient sur le temps qu'il fait. Le nombre de conversations qu'on alimente avec cette question du temps, qui semble toujours en fait une sorte de secours, pour combler un petit peu le vide. Et puis là, Barthes nous dit, mais pas du tout en fait, ça veut quand même dire plus que ça. Oui, alors je voulais d'abord remercier Tiphaine Samoyau qui m'a signalé ce texte qui est extraordinaire de Roland Barthes. Tiphaine Samoyau qui est spécialiste de Roland Barthes. Voilà, et j'avoue que je le connaissais pas jusqu'à il y a peu, et je trouve qu'il y a presque tout dans ce texte. Et ça commence par parler pour ne rien dire, enfin du moins comme apparence. Et c'est vrai que la météo, on l'a beaucoup dit, la conversation sur la pluie et le beau temps, c'est apparemment parler pour ne rien dire. C'est ce qu'on appelle, ce que les linguistes appellent la fonction fatigue pour conserver le contact avec l'interlocuteur. C'est juste le fait de parler, on pourrait parler de n'importe quoi. En fait, c'est juste le fait de se dire, on pourrait même peut-être faire des onomatopées presque. C'est le fait de garder un contact. Onomatopée, c'est tout de suite plus que ça quand même, parler du temps qu'il fait, c'est un lien concret avec son interlocuteur. Avec l'onomatopée, vous n'irez peut-être pas très loin. Disons que c'est vraiment notre monde commun qu'on met en place en parlant comme ça de la météo, de météo. D'ailleurs, Barthes parle de temps qu'il fait, c'est beaucoup plus joli que météo, qui est plus familier, mais on s'entend très bien quand on parle de météo, bien sûr. La deuxième chose que je trouve extraordinaire, c'est ce passage où il parle de l'être là. Et c'est en effet, parler du temps qu'il fait, c'est manifester notre communauté. On est ensemble, dans le même monde. C'est notre condition atmosphérique. Là, je crois que c'est Sloterdijk qui dit ça, notre condition atmosphérique. On est ensemble, sous le même ciel. Et en fait, il n'y a pas de frontière entre soi et l'autre, entre nous tous. Et de proche en proche, on participe tous du même monde. Et c'est ça qui m'intéresse particulièrement dans la météo. C'est ce que j'ai appelé ailleurs le pensée météore, cette façon de refuser la limite, la frontière, qui est très visible justement dans la carte satellite, il me semble. Et la troisième chose, c'est l'allusion qu'il fait au journal intime, ici à Amiel, mais là, il y a un livre extraordinaire sur ce sujet, c'est le livre de Pierre Pachet, « Les baromètres de l'âme », « Naissance du journal intime », où il montre, tout ce que, en l'occurrence, Rousseau a ouvert comme champ à l'écriture de soi, au parler sur soi, au journal intime, disons un genre qui naît à la fin du 18e, début 19e. Alors il faut essayer de faire la distinction dans tout ce que vous venez de dire, Anouchka Bazac. C'est-à-dire que parler météo, ça n'est pas seulement établir un contact, c'est aussi parler de soi, c'est aussi se situer dans le monde, c'est aussi faire communauté. Et puis je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est aussi se faire le commentateur du dérèglement climatique, exprimer une inquiétude ou une passion. Finalement, en fait, dans la météo, dans ces discours-là, il y a tout et il y a un peu rien. Mais que reste-t-il véritablement de la météo dans ces discours-là si finalement on n'y parle que de soi, on y établit juste un lien et il y a plus une communauté politique ou sociale qui s'y dessine? Alors je crois qu'il faut quand même distinguer des niveaux. Il y a cette conversation sur le temps qu'il fait qu'on peut avoir dans la rue avec sa voisine ou dans un café. Et il y a ce qu'on peut en faire après quand on s'y immerge, comme j'ai eu envie de le faire avec d'autres. Je suis loin d'être la seule à m'intéresser au temps qu'il fait. Donc là, c'est intéressant d'aller un petit peu au-delà justement de la conversation banale. Alors, il n'empêche que dans cette conversation banale, il y a cette façon de faire communauté, je crois. Alors, on va écouter un dialogue de Diderot qui prouve bien, finalement, que dans cette conversation banale se joue peut-être autre chose que cette conversation banale, mais même peut-être plus aussi que cette idée de faire communauté. Cette superbe voûte, sous laquelle nous revînmes hier et qui semblait nous garantir un beau jour, ne nous a pas tenu parole. Qu'en savez-vous ? Le brouillard est si épais qu'il nous dérobe la vue des arbres voisins. Oui, il est vrai. Mais si ce brouillard, qui ne reste dans la partie inférieure de l'atmosphère que parce qu'elle est suffisamment chargée d'humidité, retombe sur la Terre. Mais si, au contraire, il traverse l'éponge, s'élève et gagne la région supérieure où l'air est moins dense, et peut, comme disent les chimistes, n'être pas saturé. Il faut attendre. En attendant, que faites-vous ? Je lis. Toujours ce voyage de Bougainville. Toujours. Alors, c'était un extrait du supplément au voyage de Bougainville de 1796, donc de Denis Diderot, lecture par Jean Rochefort et Julien Berthaud. C'était sur France Culture, diffusé le 12 mars 1968. Là, vous avez toutes les informations. Alors, il faut quand même le dire, Anouchka Vazak, on parle quand même très peu du temps qu'il fait dans ces termes-là. Là, on a quand même une dimension beaucoup plus savante. C'est vrai, c'est vrai. Alors, bon, je dirais que, en fait, quand même, Diderot, c'est un des premiers à faire entrer la météo, évidemment pas sous ce mot-là, dans la littérature, et c'est vrai de façon savante. C'est quand même une conversation philosophique. On le voit bien, enfin, il est complètement nourri, Diderot, des connaissances scientifiques de son temps, des questions d'évaporation. Je crois que c'est le cours de Rouel, le chimiste Rouel qui l'a influencé. Et puis, il faut le dire, il est matérialiste. Il est matérialiste, donc tout est matière. Il y a vraiment une importance, une attention portée à tout l'environnement et au corps qui le compose. Et puis c'est tout à fait en relation avec sa philosophie, suspendre son jugement. D'ailleurs, il dit ailleurs qu'il faut savoir, disons, il préfère les nuages. Hein, à la réalité, parce que les nuages, c'est justement l'incertitude. Et ce dialogue, cette entrée du supplément au voyage de Bougainville, s'inscrit en fait dans une continuité avec deux autres contes. Il y a « Ceci n'est pas un conte », il y a « Madame de la Carrière ». Et ces contes, à chaque fois, se ferment et s'ouvrent sur une question de météorologie. Et ça montre aussi le caractère, justement, diffus de la météo. La météo, c'est quelque chose qui se répand, qui est sans frontières. Et c'est vraiment caractéristique de la pensée de Diderot. Alors ça, c'est intéressant, Anouchka Vazak, parce que ça veut dire que quand on dit qu'on parle météo, déjà, on ne parle pas que de météo, on parle de plus que ça. Ça, on l'a bien compris. On établit un contact, on fait communauté. Et quand on essaye de définir la forme de communauté que prend, la forme qu'elle prend dès lors qu'on parle de météo, c'est celle d'une communauté un petit peu diffuse, un petit peu floue. C'est vrai que dès qu'on parle de météo avec quelqu'un, on peut le faire avec n'importe qui. Et c'est souvent ce qui se passe dans un ascenseur, à la boulangerie, ou avec des gens avec qui on ne sait pas quoi dire parce qu'on n'a pas d'intérêt direct. Mais la météo va s'imposer comme le sujet qui, malgré tout, va nous permettre de nous mettre plus qu'en contact, en communauté, mais un petit peu diffus, c'est ça? Tout à fait. Ben, la météo a ceci d'extraordinaire, qu'elle change, justement. Ou alors qu'elle est anormalement fixe. Quand vous avez une série de jours très chauds, on peut en parler aussi. Et je pense à cette phrase de Freud qui dit aussi, je ne sais plus si c'est Freud ou Goethe, je crois que c'est Goethe en fait. On peut tout supporter au monde sauf une suite de beaux jours. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. J'aimerais vous citer aussi un texte que vous citez, Anouchka Vazak. C'est un texte du philosophe Peter Sloterdijk dans Écume, Sphère 3, qui est paru en 2003, où il dit « Par le biais de la communication climatologique assistée par les médias, de grandes communes modernes se transforment en voisinages villageois dans lesquels on échange des points de vue sur l'idée qu'il fait trop chaud, trop froid, trop humide ou trop sec pour la saison. Le bulletin météo moderne transforme les populations nationales en spectateurs d'un théâtre de climat. La tendance moderne à former une opinion sur le climat reflète le fait que les cultures européennes et européoïdes ayant une activité polytechnique sont elles-mêmes devenues, à partir du XVIIIe siècle, des puissances climatiques créatives. » Alors là, on hésite un petit peu. On a l'impression que Peter Sloterdijk à la fois loue cette capacité en fait, des gens à se mettre, des individus à se mettre en contact, à former des communautés diffuses en parlant de météo, et en même temps va quand même critiquer cette idée de se faire commentateur de la météo. Et c'est vrai que c'est exactement ce que produit le fait de parler de météo, à savoir on est content de parler avec quelqu'un et en même temps au moment même où on parle du temps qu'il fait, on se dit mais pourquoi je raconte de telles banalités, pourquoi en fait je donne mon avis sur le temps qu'il fait. Vous vous interrogez sur sur la façon qu'on a chacun effectivement d'avoir une opinion. Mais moi, ce que je vois, ce que j'entends dans Sloterdijk là, c'est que c'est une forme un peu de cynisme. En effet, vous l'avez entendu aussi, je crois, une ironie, un cynisme, comme si on était chacun capable d'émettre un jugement sur un jugement en général, en l'occurrence sur la météo, sur le temps qu'il fait. C'est vrai que il faut peut-être j'aime pas trop le discours moral, mais savoir rester à sa place et ne pas extrapoler trop vite du temps qu'il fait aujourd'hui, chaque jour, au dérèglement climatique. Il faut peut-être pas aller trop vite en besogne. Là, je renvoie aux travaux des historiens du climat, comme Emmanuel Leroy-Ladurie ou Emmanuel Garnier, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les dérangements du temps » et qui montre que on a toujours dans l'histoire, enfin très fréquemment, eu le sentiment que c'était la fin du monde, que c'était la plus forte tempête, etc. Que voilà, il y avait quelque chose d'excessif. Je ne dis pas par là qu'il n'y a pas un changement de régime aujourd'hui, ça c'est indéniable. Mais il faut quand même savoir peut-être rester à sa place pour pas, quand on parle de météo. Dès la fin du XVIIIe siècle, l'attention à la météo chez des auteurs un peu oubliés, c'était une façon, lorsque l'orage révolutionnaire a éclaté, de se mettre à distance. De se mettre à distance de l'histoire, c'est-à-dire de regarder les nuages, de chercher la correspondance entre les aléas du temps et les aléas du mois. C'était une façon de se distancier de l'événement. Et ça, je me demande si encore aujourd'hui, le fait que c'est l'émission la plus regardée, il y a des gens qui ne vivent que pour par des groupes d'internet, des météos fêlés. Tout ça est extrêmement intéressant par rapport à l'événement. C'est-à-dire que l'auditeur et le téléspectateur côtoient du météorologique et de l'historique, hein, d'une certaine façon. Et c'est protecteur, de ce point de vue-là, de regarder la météo. Vous avez évidemment reconnu cette voix, Anouchka Vazak. C'est la voix de l'historien Alain Corbin, avec lequel vous avez travaillé. C'est une archive du 24 mai 2014, en une fois pour toutes, sur France Culture. Alain Corbin, à qui l'on doit son livre « La pluie, le soleil et le vent, une histoire de la sensibilité au temps qu'il fait ». Est-ce que vous partagez le point de vue d'Alain Corbin quand il dit que s'intéresser au temps qu'il fait, alors là, quand on ne se fait pas du tout commentateur savant du temps qu'il fait, c'est une manière de se distraire de la réalité. Et est-ce qu'on ne peut pas lui opposer plutôt l'inverse, en fait ? Alors, Alain Corbin évoque un certain moment de l'histoire. Et là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je dirais que à partir de la fin du XVIIIe siècle, ou plutôt du début du XIXe, là je m'en tiens, disons, au domaine français, il y a, c'est les prémices du romantisme, même s'il commence avant en Allemagne, en Angleterre, et il y a une certaine façon de tourner le dos à la réalité. Et je me demande si Alain Corbin ne pense pas à cet écrivain qui s'appelle Joseph Joubert, qui a écrit des carnets, où il y a quelques notations météorologiques, et surtout une écriture qu'on pourrait appeler écriture météore, qui est faite de discontinus, de notations, c'est des aphorismes, parfois c'est plus ou moins long, mais il dit justement qu'il veut tourner le dos à la réalité, qu'il ne veut pas faire face à l'histoire. Et ça, c'est proprement romantique. Je pense aussi, dans cette même perspective, à des tableaux de Caspar David Friedrich et ces fameuses figures le dos tourné. Dont on a fait vraiment la figure pour les auditeurs. Si vous ne connaissez pas le nom de ce peintre, si vous tapez son nom sur Internet, vous allez tout de suite voir effectivement ce dos tourné face à une sorte de grand vide avec une dimension, un effet de tempête et de tourbillon. Alors, tempête et tourbillon, mais beaucoup, beaucoup, je dirais, plus que Turner, hein, qui est son contemporain, je dirais plus des paysages de nuages, de brumes. Hein, et le tableau auquel on renvoie en général, lorsqu'en effet on cherche son nom, c'est le voyageur au-dessus de la mer de nuages, et c'est cette silhouette noire vraiment totalement qui surplombe cette mer de nuages. C'est ça. Mais c'est un dos tourné, et dans ce dos tourné, moi je vois un peu une métaphore d'un dos tourné à la réalité, à cette difficulté qu'on peut avoir à, enfin disons, à ce désir qu'on peut avoir de ne pas regarder l'orage révolutionnaire en face, d'autant plus que il s'est éloigné. Alors là, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites, Anouchka Vazak. Il y a d'une part quand même l'orage révolutionnaire. Donc là, on parle vraiment d'un événement historique. C'est-à-dire jusqu'où, en fait, s'intéresser à la météo, au temps qu'il fait, c'est une manière aussi de saisir l'air du temps. C'est-à-dire de saisir une ambiance, une atmosphère, d'essayer de prendre le pouls, hein, prendre la température, comme nos hommes politiques aiment le dire. Donc on peut se demander si parler du temps qu'il fait, ça n'est pas plutôt ça. C'est-à-dire vraiment en fait se tourner, s'ouvrir encore plus à la réalité, ou au contraire tourner le dos et se saisir des paysages un petit peu comme d'un refuge romantique. Mais est-ce que ce serait pas plutôt quand même je ne suis pas trop d'accord avec ce qu'a dit Alain Corbin et peut-être avec ce que vous avancez à Anouchka Vazak, à savoir en fait que quand on s'intéresse au temps qu'il fait et quand on veut en parler avec les gens, c'est non seulement pour établir un contact, mais justement parce qu'on essaye de saisir, de dire quelque chose sur ce qui est en train de se produire, mais que seul des mots de description d'ambiance nous parviennent. Tout à fait, mais encore une fois, je crois qu'il faut juste le replacer dans une perspective historique. C'est celle d'Alain Corbin, c'est un historien. En fait, la météo, on n'en parlait pas tellement, dans la littérature en tout cas, parce que pour ce qui est des conversations quotidiennes du 18e, 19e siècle, je ne peux pas évidemment en préjuger, si ce n'est que, évidemment, les paysans avaient, comme aujourd'hui, c'était déterminant pour eux, bien sûr, la météo. Oui, c'est d'ailleurs ce que dit Roland Barthes dans le premier texte qu'on a entendu. Là, pour le coup, c'était pas du tout dérisoire, c'est devenu dérisoire. Mais l'orage, en fait, j'avais travaillé là-dessus il y a longtemps. Il y a eu un orage le 13 juillet 1788, un an et un jour avant la prise de la Bastille. Et ça a été un traumatisme, notamment économique, hein, on connaît bien ça. Et en fait, la façon dont cet orage a été rapporté dans les mémoires de l'Académie des sciences en particulier, c'est comme si j'y ai vu comme une espèce d'intuition de l'orage révolutionnaire à venir. Et il se trouve que le 14 juillet 1789 a été présenté sous la métaphore de l'orage. Et Malesherbes avait bien prévenu Louis XVI dans une lettre qui est assez célèbre où il dit « Je vois se former un orage que la puissance royale ne saurait arrêter ». Donc il y a quand même cette intuition, bien sûr, qu'il peut y avoir un lien entre le temps qu'il fait et un événement politique majeur. Donc entre le temps qu'il fait et le temps qui passe, mais là au sens historique, jusqu'où la météo peut nous permettre de redéfinir notre approche des événements, de l'histoire, d'une histoire qui se ferait de manière linéaire? Oui, alors là, je crois en effet, bon, je pense à autre chose tout d'un coup, et c'est encore un peu de l'histoire, mais de l'histoire beaucoup plus récente. Le 10 mai 81, lors de la victoire de François Mitterrand, il y a eu un orage, on s'en souvient, enfin ceux qui, les plus jeunes d'entre nous s'en souviennent, il y a eu un orage place de la Bastille à Paris, et en fait, on a crié Mitterrand du soleil, avec cette idée que Mitterrand allait peut-être pouvoir changer complètement le monde. Mais au-delà de ça, je dirais que la météo peut être un modèle pour penser l'histoire, un modèle pour ne pas considérer l'histoire uniquement d'un point de vue strictement chronologique, strictement événementiel, justement comme ce point 14 juillet 89, mais pour essayer de voir un petit peu les entours, ce qui reste du passé et ce qui va advenir. Je pense très souvent dans ce cas-là à une phrase de Freud sur la fin de l'analyse. Il dit « Des morceaux de l'organisation première subsistent à côté de ceux de la nouvelle, dans l'analyse finie et l'analyse infinie. » Et il me semble qu'on peut appliquer ce modèle à l'histoire en général. Moi, j'ai essayé de l'appliquer à l'année 1797, qui est une année entre deux eaux de la Révolution française, où des éléments du passé sont en coexistence avec ce qui va advenir. Et ça n'est pas le coup de théâtre ou l'orage révolutionnaire. Si vous y faites très attention, vous verrez que dans mes livres, très souvent, les scènes se passent la nuit, ou se passent au milieu d'un orage, ou se passent au milieu de la pluie. Et qu'il y a beaucoup plus de scènes nocturnes ou de scènes d'ombre que de scènes lumineuses et claires avec du soleil. Même la description, la première description du hussard qui se passe en pleine chaleur, en plein soleil, ce grand soleil de 1832 au moment où le choléra a éclaté à Toulon, ce grand soleil, cette grande lumière, cette grande chaleur, ce soleil de plâtre, eh bien malgré tout, si je décris parfois de grands paysages ensoleillés, c'est toujours pour un événement triste et très dramatique. Je me détends lorsque, dans le livre, j'arrive à la nuit ou quand j'arrive à la pluie. Et si je n'y arrive pas tout à fait, on sent la pente de l'écriture devenir plus aisée, plus aimable, parce que je me rapproche d'un passage où je sais qu'il va éclater un orage, où je sais qu'il va y avoir la nuit. Mais jamais le soleil. Eh bien, le soleil, je n'aime pas le soleil. Je n'aime pas le soleil. C'est un fait physique. Oui. Je n'aime pas le soleil, mais désagréable. C'était la voix de Jean Giono, l'écrivain Jean Giono, le 1er janvier 1953. Eh bien, alors, je ne partage pas non plus son avis. Le soleil ne m'est pas désagréable à moi, mais il soulève ce point. On vient de parler quand même de la météo comme modèle pour repenser notre rapport à l'histoire. Et on pourrait aussi prendre la météo pour repenser notre rapport à l'histoire, aux histoires qu'on raconte, à la narration. Anouchka Vazak. Alors, je ne connaissais pas ce texte de Giono qui est assez extraordinaire. Et en effet, on voit bien comment le soleil et les météores en général sont présents dans ses romans. Et bon, pour ma part, moi, j'ai tendance à partager hein, ça, un peu sa hantise du soleil, qu'il lie d'ailleurs au choléra. Mais je crois que la météo, les météores en général, on fait irruption dans la littérature à un moment donné. Giono est un de ceux-là qui le montre, mais encore une fois, il me semble que ça a commencé vers le romantisme. D'ailleurs, Jean d'Ormesson disait « Le romantisme, c'est l'irruption de la météo dans la littérature. » Et qu'est-ce que ça change alors à la manière de raconter les histoires ? Je pense que ça représente aussi, je dirais, le sujet, le personnage, de façon complètement différente. Il est nécessairement pris dans le temps qu'il fait. Et ce qu'on voit, c'est justement que c'est probablement en relation avec l'incertitude d'une destinée, l'incapacité peut-être, la question de la croisée des chemins. Il me semble que c'est quelque chose qui n'apparaît pas nécessairement dans les romans dits classiques. Alors, je vais faire une association un petit peu audacieuse. Je vous propose d'écouter Anouchka Vazak, et ça n'a rien à voir avec Giono, un extrait de Montesquieu, c'est l'Esprit des lois, moment où il développe sa théorie des climats. L'air froid resserre les extrémités des fibres extérieures de notre corps. Cela augmente leur ressort et favorise le retour du sang des extrémités vers le cœur. Il diminue la longueur de ces mêmes fibres. Il augmente donc encore par là leur force. L'air chaud, au contraire, relâche les extrémités des fibres et les allonge. Il diminue donc leur force et leur ressort. On a donc plus de vigueur dans les climats froids. L'action du cœur et la réaction des extrémités des fibres s'y font mieux. Les liqueurs sont mieux en équilibre. Le sang est plus déterminé vers le cœur et, réciproquement, le cœur a plus de puissance. Cette force plus grande doit produire bien des effets. Par exemple, plus de confiance en soi-même, c'est-à-dire plus de courage. Plus de connaissance de sa supériorité, c'est-à-dire moins de désir de la vengeance. Plus d'opinion de sa sûreté, c'est-à-dire plus de franchise, moins de soupçons de politique et de ruse. Les peuples des pays chauds sont timides, comme les vieillards le sont. Ceux des pays froids sont courageux, comme le sont les jeunes gens. Anouchka Vazak, je voulais qu'on entende ce texte de Montesquieu. Donc c'est l'Esprit des lois, le grand texte de Montesquieu, interprété par Hélène Losseur. Chapitre 2, livre 14, des lois dans le rapport qu'elles ont avec la nature du climat. On a entendu, et c'est la célèbre théorie des climats. Alors vous l'avez dit, il ne faut pas confondre le climat qui est un concept avec la météo qui est une réalité du vécu. Néanmoins, en fait, j'ai voulu entendre ce texte parce que j'aimerais qu'on détermine la manière dont le temps qu'il fait est justement déterminant ou simplement une influence. C'est-à-dire que d'un côté, Anouchka Vazak, vous nous dites le temps qu'il fait, la météo est un modèle pour penser autrement l'histoire, la narration, notre rapport aux autres, plus diffus, qui fait place à l'incertitude, à l'imprévisibilité. Et d'un autre côté, avec Montesquieu, le climat va être déterminant. Je dirais pas déterministe, dans ce texte, oui. Après, il va dire quand même que les lois viennent corriger ce déterminisme des climats chauds ou froids sur les caractères et les organisations humaines. Mais comment comprendre la météo en tant que cause? Est-ce une source d'imprévisibilité ou est-ce une source de détermination? Et est-ce qu'elle nous fige? Alors, c'est vrai que Montesquieu, là, parle de climat et non pas de météo, et il ne parle pas d'individus, il parle de peuple. Et quand Montesquieu parle de climat ici, ça n'est pas le sens qu'on connaît aujourd'hui. Nous, on parle du climat de la planète. On a une notion très globale du climat, même si on essaye de repenser le climat à l'échelle plus locale maintenant. Mais ce n'est pas du tout le sens de climat chez Montesquieu, c'est le sens antique chez Montesquieu, zone parallèle à l'équateur. À partir de cette, c'est donc une définition au départ astronomique, fondée sur le mot climat qui vient de l'idée de l'inclinaison. Et puis, à partir de cette zone parallèle à l'équateur, il va extrapoler, et c'est la grande division nord, midi, etc., avec cette idée que les peuples du midi, en général, enfin, selon sa théorie, il ne dit d'ailleurs nulle part théorie des climats, ça c'est nous qui l'avons dit. Avec cette idée que les peuples du Midi sont de nature plus servile en raison de leur climat, de la chaleur, etc. Et les peuples du Nord, plus aguerris, plus forts, en vérité, son grand modèle, c'est le climat tempéré. Alors, il dit des choses absolument incroyables, du genre « il faut écorcher un moscovite pour lui donner du sentiment ». Où il va parler, non ça c'est Buffon, mais qui est complètement dans cette théorie des climats, dans les variétés, dans l'espèce humaine. Buffon dit, par exemple, des femmes sénégalaises, elles sont belles à la couleur près. Alors c'est sûr qu'il y a là des affirmations qui sont qu'on ne peut plus entendre du tout aujourd'hui. Oui, qui n'ont rien à voir non plus avec ce que dit là, dans ce qu'on a entendu, Montesquieu. C'est-à-dire que là, on a d'un côté une théorie qui relève du racisme avec Buffon, et là, avec Montesquieu, un déterminisme qui est relativiste et extrêmement critiquable, mais qui néanmoins, lui-même, va corriger avec sa théorie des lois. Tout à fait. La loi est là pour venir justement tempérer l'influence du climat. Et alors, même s'il dit l'empire du climat est le premier de tous les empires, pour lui, le climat, c'est pas uniquement, c'est certainement pas le temps qu'il fait, c'est même pas le lieu lui-même, c'est un ensemble, c'est une situation en général. Donc, même si son modèle est le modèle tempéré, pour lui, la loi, ça c'est son côté justement relativiste et tout à fait novateur. Il ne faut absolument pas enfermer Montesquieu dans un déterminisme simple. Ben, l'idée, c'est que la loi, justement, va venir tempérer, corriger ce qu'il appelle les vices du climat. Alors, on repère deux choses dans ce que vous dites, Anouchka Bazac, c'est qu'avec ce terme de tempérer, on voit bien que, justement, il y a vraiment une sorte de d'imprégnation, de lexique météorologique dans la pensée, c'est-à-dire dans la manière de concevoir les rapports humains. L'idée de tempérer, enfin, ce terme de tempérer, vraiment, en témoigne véritablement. Et puis, Montesquieu nous oblige aussi quand même à faire cette différence entre influence et déterminisme. Ça veut dire quand même que le climat, à défaut de nous déterminer, et là maintenant je retombe sur la météo, a une influence. Quelle influence a la météo sur l'homme? Jusqu'où l'homme en fait n'est pas cet être de volonté, de maîtrise et de raison qui peut en fait s'extraire de l'environnement et prendre le dessus, mais justement est vraiment un objet en fait de cet environnement. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas... c'est pas la même chose, le déterminisme et l'influence. Et je ne dirais jamais que la météo, voire le climat, n'a pas d'influence sur nous. Ça, j'en suis persuadée et je suis évidemment... Qui pourrait contredire ça? Simplement, ça n'est pas aussi, aussi simple. Par exemple... Vous aimez bien le soleil. D'autres pourraient, comme Giono, souffrir du soleil. Pour eux, c'est une influence, en quelque sorte, c'est presque un astre maléfique. Bernardin de Saint-Pierre dit qu'il adore la pluie, qu'il en a, qu'elle lui procure un bonheur négatif. Donc, on est tous différents, je pense, face au temps qu'il fait, et nous sommes nous-mêmes des êtres tellement variables, d'une identité tellement, pas incertaine, mais en tout cas variable, qui fait que dans le même instant, on peut se réjouir d'un rayon de soleil, ou pourquoi pas déplorer tout d'un coup une averse. Regardez, vous les voyez ? Quoi? Les nuages à l'horizon. Les nuages, c'est les rêves qui flottent dans le ciel tout bleu de l'esprit. Je n'avais jamais vu les nuages comme ça. Mon but est de me rendre compte des modifications de mon âme et de leur succession. Je ferai sur moi-même, à quelques égards, les opérations que font les physiciens sur l'air pour en connaître l'état journalier. J'appliquerai le baromètre à mon âme. Et ces opérations bien dirigées et longtemps répétées me pourraient fournir des résultats aussi sûrs que les leurs. Mais je n'étends pas jusque-là mon entreprise. Je me contenterai de tenir le registre des opérations sans chercher à les réduire en système. Je fais la même entreprise que Montaigne, mais avec un but tout contraire au sien, car il n'écrivait ses essais que pour les autres, et je n'écris mes rêveries que pour moi. France Culture, Les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. Alors il y a la question de l'influence de la météo sur son moi, sur son être, et puis il y a la question de la météo de son cœur, le baromètre de son âme. C'est un texte de Rousseau que je viens de lire, cet extrait des Rêveries du promeneur solitaire, première promenade, un texte de 1782. Anouchka Vazak, là c'est un terme, c'est une lignée, une, comment dire, un courant incontournable pour comprendre cette idée de météo que de s'intéresser à cette idée de baromètre de mon âme. Oui, alors Rousseau a ouvert comme ça la voie, sans s'en rendre compte, à toute cette littérature du moi, l'écriture du moi. C'est un texte autobiographique, même si ça n'est pas un journal intime. Ce qui est intéressant, c'est que il écrit ça à un moment où la météorologie est justement en train de se constituer comme science. Ça a commencé au XVIIe siècle avec l'invention du baromètre et des instruments. Et on commence aussi à justement tenir des registres. Le mot registre ici est très intéressant parce qu'il est aussi bien scientifique que finalement littéraire. Le registre, ça peut être aussi le journal intime où on va consigner les variations de son moi. Et il y a quelqu'un qui est vraiment dans la lignée de Rousseau, mais qui déplore son instabilité foncière, il en fait un malheur, c'est Maine de Biran. Alors c'est un petit peu plus tardif, c'est les années 1815, il commence à écrire au début du 19e, et c'est un journal, le journal de Maine de Biran, où il consigne justement à la fois le temps qu'il fait, mais pas toujours, mais surtout la variabilité de son âme. Donc tenir registre de son âme, des variations de son âme, d'ailleurs Rousseau ne va pas très loin dans cette entreprise, c'est un peu peine perdue. Mais c'est aussi ce que dit Roland Barthes dans le texte, hein, quand je vous disais que ça va être difficile de dépasser Roland Barthes parce qu'il y a énormément de choses contenues dans ce texte, c'est qu'on retrouve aussi ce que dit Rousseau sur cette espèce d'identification entre le temps qu'il fait, le temps qui passe et le temps qu'il y a en moi, ma temporalité intérieure. Et quand Roland Barthes dit il s'établit une complicité entre ces notations infimes et le genre même du journal intime, n'ayant pour dessein que de dire le rien de ma vie. Et on est exactement dans cette démarche-là, avec cette idée de baromètre de son âme, mais on frôle presque l'ego trip, c'est-à-dire que on s'était tourné vers le ciel pour s'ouvrir au monde, pour s'ouvrir à l'autre, pour s'ouvrir à l'air du temps, aux événements historiques, repenser l'histoire, repenser l'espace. Et puis finalement, ceci n'était qu'un détour pour se recentrer sur soi-même et n'être qu'à l'écoute de ses variations. C'est-à-dire que, paradoxalement, la météo quand même de l'environnement qui nous dépasse n'est là que pour nous servir nous-mêmes, n'est qu'un moyen pour nous, un peu narcissique, de se tourner vers soi. Oui, je trouve que vous avez raison. Je suis assez d'accord avec vous. C'est vrai que, il y a le journal d'Amiel ou le journal de Maine de Biran, ce sont des journaux très auto-centrés, c'est vrai, où le temps qu'il fait finalement a peut-être moins d'importance que les variations intimes du sujet qui écrit, c'est vrai. C'est un paradoxe, je suis d'accord avec vous. En même temps, ça veut dire quelque chose sur notre identité dans sa modernité, parce que c'est peut-être à ce moment-là qu'en fait elle se constitue. Avec cette idée, on n'est plus du tout dans le sujet cartésien là. On n'est plus dans le sujet rationnel. C'est pas du tout le point fixe auquel on peut se fier, même s'il faut se méfier des sens, etc. On est dans une espèce d'ouverture douloureuse au monde et d'absence de prise. Et peut-être que les premiers auteurs, les romantiques, disons, je vais dire quelque chose qui n'est pas très beau, mais on a un peu essuyé les plâtres. En tout cas, on voit qu'il, c'est une souffrance, en fait, cette ouverture au monde et ce sentiment d'instabilité, de dilution de soi-même. Alors effectivement, ça rejoint aussi ce que disait Alain Corbin dans l'archive, c'est-à-dire que parler de météo, c'est protecteur, ou alors effectivement, il y a quelque chose un petit peu de risqué, de dangereux. Et c'est là où on se rend compte que la météo n'est pas tant une projection de soi ou un refuge, mais aussi une manière de se risquer. Mais ça, c'est vraiment une autre lecture, de dire que quand on parle de météo, parce que vraiment, la météo, c'est vraiment le sujet tellement tranquille, tellement cool, si j'ose dire, que tellement pas engageant, qu'on a du mal à voir là-dedans une prise de risque. Alors peut-être l'inquiétude vis-à-vis des règlements climatiques, mais vraiment là, l'idée de risque me surprend. Alors en fait, là encore, je crois que dans la conversation quotidienne sur le temps qu'il fait, il n'y a pas grand risque, au contraire, c'est une recherche de contact avec autrui. Par contre, en effet, il y a une prise de risque chez ces auteurs-là, je dirais. C'est une espèce de conscience, tout d'un coup soudaine, de l'instabilité du socle sur lequel nous sommes installés, justement pas installés. Une sorte de vertige. Tout à fait. Et en fait, à ce moment-là, naît ce qu'on peut appeler le moi météorologique. Justement, il n'est pas forcément tellement question, dans le fond, du temps qu'il fait, par exemple, chez Maine de Biran, mais c'est le sujet lui-même, c'est moi qui devient un objet variable, voilà, qui est instable, qui est incertain, qui change, qui a sa variabilité, ses brumes, ses nuages, etc. Alors, on a commencé l'émission Anouchka Vazak en écoutant le temps qu'il va faire aujourd'hui, vendredi 1er octobre 2021. Alors, on nous a dit que le soleil allait être encore généreux, mais que malgré tout, il fallait quand même se préparer à la pluie. Alors, je vous propose, pour qu'on se prépare tous ensemble à la pluie, à cette saison de l'automne, d'écouter un texte de Francis Ponge sur la pluie. La pluie, dans la cour où je la regarde tomber, descend à des allures très diverses. Au centre, c'est un fin rideau ou réseau discontinu. Une chute implacable, mais relativement lente, de gouttes probablement assez légères. Une précipitation sempiternelle sans vigueur, une fraction intense du météore pur. À peu de distance des murs de droite et de gauche, tombent avec plus de bruit des gouttes plus lourdes, individuées. Ici, elles semblent de la grosseur d'un grain de blé, là d'un poids, ailleurs presque d'une bille. Sur des tringles, sur les accoudoirs de la fenêtre, la pluie court horizontalement, tandis que sur la face inférieure des mêmes obstacles, elle se suspend en berlingot convexe. Selon la surface entière d'un petit toit de zinc que le regard surplombe, elle ruisselle en nappes très minces, moirées à cause de courants très variés, par les imperceptibles ondulations et bosses de la couverture. De la gouttière attenante, où elle coule avec la contention d'un ruisseau creux sans grande pente, elle choit tout à coup en un filet parfaitement vertical, assez grossièrement tressé, jusqu'au sol, où elle se brise et rejaillit en aiguillettes brillantes. Chacune de ces formes a une allure particulière. Il y répond un bruit particulier. Le tout vit avec intensité, comme un mécanisme compliqué, aussi précis que hasardeux. Comme une horlogerie dont le ressort est la pesanteur d'une masse donnée de vapeur en précipitation. La sonnerie au sol des filets verticaux, le glouglou des gouttières, les minuscules coups de gong se multiplient et résonnent à la fois en un concert sans monotonie, non sans délicatesse. Lorsque le ressort s'est détendu, certains rouages, quelque temps, continuent à fonctionner, de plus en plus ralenti, puis toute la machinerie s'arrête. Alors si le soleil reparaît, tout s'efface bientôt, Le brillant appareil s'évapore. Il a plu. C'est un texte de Francis Ponge, Pluie dans le parti pris des choses, un texte de 1943 interprété par Hélène Losseur. Vous l'avez dit tout à l'heure, Anouchka Vazak, l'écrivain Bernardin de Saint-Pierre, à propos de la pluie, disait que c'était un bonheur négatif. Et c'est vrai, qu'est-ce qu'on est bien quand on est au chaud sous sa couette et qu'il pleut dehors? C'est vrai, et on entre dans cette saison précisément de la pluie et des changements peut-être très rapides du temps qu'il fait. Ce que j'aime dans ce texte, c'est qu'il y a à la fois des termes presque scientifiques ou techniques, quand il parle de fraction intense du météore pur, quand il parle de machinerie, de rouage, et en même temps, il y a des mots qui sont poétique parce qu'il les insère dans cette vision émerveillée de la pluie, le mot zinc, je trouve ça très joli, et puis surtout ce passage, le glouglou des gouttières, les minuscules coups de gong. Autrefois on aurait parlé d'harmonie imitative, c'est vraiment, on entend vraiment la pluie. Et là j'aurais presque envie de dire que Ponge est gentil avec nous, il est gentil avec nous, avec la pluie. Autant Sloterdijk était un peu cynique et se moquait de notre façon de juger comme ça, à l'emporte-pièce du temps qu'il fait, autant Ponge nous invite à écouter en toute sérénité et toute, comment dire autre chose que poésie, le météore pur. Et puis il ne nous critique pas sur une forme de narcissisme. Tout à fait. C'est une ouverture justement, une ouverture à la sensation, au monde. Merci beaucoup Anouchka Vazak. Alors je rappelle que de vous, on peut lire Météorologie avec un S, Discours sur le ciel et le climat des lumières au romantisme, c'est paru aux éditions Honoré Champion, que nous remercions. Excellente édition Honoré Champion qui nous ont fait parvenir votre livre, c'est à lire, et que très bientôt on pourra lire aussi de vous 1797 pour une histoire météore, et ça va paraître aux non moins excellentes éditions Anna Moza. Merci beaucoup. Merci à vous. Rihanna, good girl going back. Take three, action. No clouds in my stones. Let it rain, I hide your plane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefeller, we fly higher than weather. And G5s are better, you know me. In anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back with Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at? You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. And that's when you need me there. Après la pluie de Francis Ponge, c'est évidemment le parapluie de Rihanna. Vous écoutez France Culture, il est 10h53, passé de 30 secondes et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Comment cohabiter sur cette planète, sur notre planète, sur cette planète très concrète qu'est la Terre? Il y a aujourd'hui un mouvement très profond, non seulement dans la politique, dans des actes militants, prenant conscience de dangers concrets, mais dans la philosophie et dans les sciences sociales, qui vise à nous faire comprendre que l'humanité n'est pas une idée abstraite, n'est pas non plus une espèce coupée du monde, mais est une partie très concrète des êtres qui habitent sur la planète Terre et pour lequel le mot « habiter » doit prendre un sens très fort. Les humains sont des habitants, parmi d'autres, d'un environnement qui n'est pas extérieur, qui est ici la planète très concrète qu'est la Terre, où a surgi la vie elle aussi très concrète, qui peut s'arrêter, qui n'est pas un concept, qui n'est pas une idée abstraite et fictive. Et les humains en sont des habitants avec d'autres, des cohabitants avec lesquels il faut apprendre à voisiner. Ce terme « habiter » est très profond et ce n'est pas par hasard qu'il surgit sous la plume, par exemple, de l'historien indien et américain Dipesh Chopra. Chakrabarti, dans son livre sur la planète, distinguant aussi la planète du monde, de la globalisation économique, c'est la planète vraiment écologique, et la relation qui définit ce rapport des humains à la Terre, c'est habiter. Et il en est de même dans le livre de Roland Cher, élève et disciple de Michel Serres, qui, sous le titre de « La responsabilité du vivant », nous apprend aussi que, comme tous les êtres vivants, nous habitons la planète, nous construisons la planète comme un site dont nous dépendons pour vivre, sous le mode justement de l'habitation. L'habitation qui nous permet aussi de sortir, de voyager, car pour voyager, comme dit l'autre, encore faut-il avoir un chez-soi. Le chez-soi, home, l'endroit d'où nous partons, comme dit le poète T.S. Eliot. Home is where we start from. Que veut dire habiter ? Habiter, cela signifie que l'endroit où nous sommes ne peut pas être seulement un point dans un espace abstrait, un point dans un espace géométrique. Habiter, ce n'est pas une relation extérieur, c'est quelque chose qui définit notre être. L'une des premières questions que nous posons aux êtres humains, après peut-être « comment vas-tu ?», c'est la question « d'où viens-tu ? Où es-tu ? Où habites-tu ?» Et l'une des plus profondes détresses, c'est toujours la détresse du sans-abri, la détresse du sans-domicile, la détresse du sol qui glisse sous nos pas. Dans la crise économique elle-même, l'origine la plus violente des troubles sociaux, ça a été la crise immobilière. Le fait d'avoir son habitat, son habitation, l'endroit où nous habitons, saisi, comme on dit, par la justice, enlevé à nous, comme vraiment si le sol se dérobait sous nos pas. À Athènes, par exemple, au cœur de la crise économique, comment comprendre que l'imposition d'une taxe immobilière soudaine, sous la pression économique, a tout à coup rendu l'habitat impossible à des millions de personnes. Il faut donc apprendre à habiter la Terre, mais l'habiter, c'est cohabiter avec tous ses habitants, y compris tous les êtres vivants et les bactéries, préserver ce milieu commun, car ils dépendent de nous, mais nous dépendons d'eux. Et la cohabitation ici est plus vitale encore que jamais, car finalement, dans des conflits de copropriété, nous pouvons toujours déménager, même si nous trouverons toujours des voisins, et il faudra toujours s'entendre avec eux, avec aussi les conflits qui sont inévitables. Par contre, sur la planète Terre, nous n'avons plus le choix. C'est véritablement, et ça n'est pas une métaphore, notre maison. Ce n'est plus une image, c'est notre condition. Merci beaucoup Frédéric. Votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture à la page du pourquoi du comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Manon Delasselle qui a préparé cette émission, Jules Barbier, Carla Michel, Antoine Ravon, Adèle Vendrette, Anaïs Sisbert, Louise André et Laurence Malonda à la réalisation, avec à la prise de son aujourd'hui Arthur Dumont et Hélène Losseur à la lecture des textes toute cette semaine. Si vous voulez réécouter ou écouter cette émission sur la météo et toute notre série d'ailleurs de cette semaine sur les animaux, chats, ânes, souris et poulpes, eh bien rendez-vous sur la page des Chemins de la Philosophie sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle série et dès lundi au programme, ce sera Raymond Aron, le modéré Raymond Aron, mais que l'on discutera et lira sans modération. Vous voyez, on est déjà prêt pour les jeux de mots. Alors tout d'abord, on parlera de son rapport à l'engagement, de son rapport au libéralisme. Peut-on arrêter le progrès aussi, se demandera-t-on avec lui. Et enfin, faut-il dire adieu aux armes, et on discutera de son rapport à la guerre. Ça, ce sera pour lundi. Restez à l'écoute sur France Culture. Thank you.